Et il parle du kafir, qui est également mu'anid, qui s'obstine, qui refuse. C'est-à-dire qu'on lui a parlé, on l'a expliqué, il l'a refusé. Qala, siru fil ard, et parcourir sur terre. Sair, i'tibar, wa tafakkur. En fait, là, siru, c'est pas forcément le fait de voyager, c'est aussi le fait de réfléchir, d'analyser. Ce qui arrivait aux gens d'avant nous. عاقبات المكذبين سكيريبوس qui ont démenti. Voyez, من الامم السابقه, des peuples précédents. كعاد, le peuple de qui? عاد, peuple de Houd. وفرعون, وما وقع بهم من عقبات التكذيب. Ce qui leur arrivait pour avoir démenti les prophètes, comme Maïdan qui ont démenti Shuaib et comme Samoud qui ont démenti Salih et les Dalika. Et Allah Azza wa Jal n'a jamais châtié un peuple si ce n'est après avoir fait donner l'épreuve, comme a dit Ta'ala, on m'a kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. On ne vous jamais châtié avant d'avoir envoyé un messager. D'accord? Comme a dit Ta'ala, ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. Car Allah n'a jamais détruit une contrée injustement alors que les gens sont inattentifs, c'est-à-dire ne savent pas. D'accord? Ils ne savent pas. Donc, tout ce que tu verras si تاريخ الإنساني من هذه عقوبة, tu verras comme ce qu'on a cité dans l'histoire, comme ce qu'ils appellent catastrophe, qui a décimé des peuples, des civilisations entières, c'est ça. C'est ça. Quand on séisme, volcan, raz de marée, cataclysme, cyclone, ce que tu veux, tout ça c'est mis dans Allah Azza wa Jal. Et ça est arrivé à un peuple qui a su, qui a refusé. Moi-même, la ville, ma ville d'origine en Martinique, qui s'appelle Saint-Pierre, qui était la capitale de la Martinique avant, a été décimée en quelques secondes par la montagne Pelée, volcan. D'accord ? Ana a'taqid fi 'umqi qalbi annahum 'uzibu min Allah 'azza wa jalla, qu'ils ont reçu un message. Par qui, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Mais ça n'aurait pas pu arriver, ce n'est une chose qu'ils auraient refusée. Et c'est un moment où c'était grave dans l'aile. Ils faisaient beaucoup d'alcool, c'était la capitale de la Martinique à ce moment-là. Ils faisaient de l'alcool, en plus c'était au moment des élections. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient déjà eu des signes précurseurs que la montagne Pelée a commencé à se réveiller. Mais les gens, comme ils avaient des intérêts, ils disaient aux gens de ne pas bouger. Alors, et résultat, après, c'est arrivé d'un seul coup. D'abord, c'était des gaz qui ont tout détruit, tout rasé, et après, la lave, elle est venue. Il était dit qu'il n'y a eu que 3 survivants, dont un principalement connu, qui s'appelait Siparis. Et lui, il a été secouru comment? Ce soir-là, ils disent qu'il était ivre. Donc il a été mis en prison dans un petit cachot qui se trouve dans le vieux théâtre de Saint-Pierre et qu'il a été préservé par cela. C'est-à-dire que tout a été détruit sur son cachot. Alors, il a été brûlé et tout, mais il a survécu. Et deux autres également qui ont survécu, mais ils sont morts peu de temps après. Pour vous dire. Et les gens, quand tu leur dis ça, ils disent « Ah, t'es cruel, t'es dur. » Je fais « Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Allah qui l'a dit. » « Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. » Ils n'ont pas acheté avant d'avoir envoyé un messager. Donc tu vois, que ce soit eux, que ce soit les Pompéi, que ce soit qui tu veux. Pour des histoires qui ont été détruites. D'accord? Sache que c'est une chose, c'est un radar d'Allah, ça va dire pour eux, qu'ils ont refusé le message. C'est tout. Et Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste.